un fuf. J'passe à Picon. J'vais prendre le shit, la frappe, c'est lui qui colle. Sale comme la Loirico, ça ravitaille. Là j'suis sous Vovo, y'a mon son qui passe sur Sky. C'est la fin des Aiko, que des trafics illégaux. Combien derrière les barreaux, rêve d'une fuite en hélico. J'suis sous Paki, j'ai des frères au parquet. Elle tellement est fait niquer, c'est même pas c'est qui padré. Poursuite en Valadero, y'a la Mondeo. J'aime bien la voir danser, je l'appelle en vidéo. Ce soir on part en balade, on roule en Impala. Posé vers les calanques, mais pas la clim, j'suis malade. Poursuite en Valadero, y'a la Mondeo. J'aime bien la voir danser, je l'appelle en vidéo. Ce soir on part en balade, on roule en Impala. Posé vers les calanques, mais pas la clim, j'suis malade. Tu te prends pour qui? Explique-moi, tu te prends pour qui? C'est bien, tu mets du Gucci, mais en vrai, dans les poches, y'a chi. Et ouais, y'a folle, tu dépenses tout pour les folles. Elles te prennent tous pour un con, et toi, tu les prends pour des connes. C'est abusé, ouais, ce soir, je vais m'amuser. Je vais la mettre en musette sur le banc des accusés. Là, je suis tranquillou, plus besoin de passer des kilos. On fait de la zig, c'est mieux qu'avoir un réseau. Poursuite en Valadero, y'a la Mondeo. J'aime bien la voir danser, je l'appelle en vidéo. Ce soir on part en balade, on roule en Impala. Posé vers les calanques, mais pas la clim, j'suis malade. Poursuite en Valadero, y'a la Mondeo. J'aime bien la voir danser, je l'appelle en vidéo. Ce soir on part en balade, on roule en Impala. Posé vers les calanques, mais pas la clim, j'suis malade. On a les dents longues et les mains faites pour l'or. Comme Luciano, je voulais mon disque d'or. On a les dents longues et les mains faites pour l'or. À fond dans l'album, dis-leur Calif, c'est hardcore. Poursuite en Valadero.